JTS, ouais. Je suis pas là pour lâcher de la haine gratuitement. Sont juste des mots objectifs qui me reflètent tellement. Toujours les mêmes sons, toujours les mêmes proses. Toujours, toujours, toujours les mêmes pauses. Toujours cette envie d'aller plus loin encore. De dénoncer, et ceci jusqu'à la mort. Toujours l'inspiration, se poser les bonnes questions. Toujours envie de gratter les beaux jours comme les mauvais. Toujours de la rage transmis dans les couplets. Toujours de la haine, je fais ce qui me plaît. J'essaie de comprendre et je joue avec ma vie. J'appréhende une attaque d'illumination. Toujours des instrus qui sont aussi badantes. Toujours instables de façon indépendante. Toujours le jour j'écris, toujours la nuit je cours. Toujours, toujours, toujours ça me fait du bien mais ça me nuit. Toujours la sensation d'être au début de mon art. Toujours l'inspiration qui vient à 16h si tard. Toujours des larmes, ouais. Car je vois ces draps, ouais. Des enfants sans âme, ouais. À qui ils vendent leurs armes, okay. Toujours le même beat, toujours le même blues. Même flow, même lyrique, je suis mélancolique. Cause toujours cette sensation, cette inspiration, changement. Dégradation, l'évolution que j'attends tellement. Toujours des toujours, car le monde part en couille. Où jamais la jeunesse ne cherche la débrouille. L'amour de la paresse caresse le contre et le pour. Toujours l'église et sa messe qui cherche à nous rendre sourds. À jamais c'est le toujours, toujours on a jamais. J'arrive à élaborer toujours cette envie de rimer. J'arrive à jamais, jamais j'attends le temps pour. Toujours disé en temps et en heure le dégoût des tours. Toujours la même plume, et ça depuis des années. Je suis pas un fan du bitume, mais j'aime bien le squatter. Je suis toujours un drogué, mais pas de la même texture. Avant c'était pilon, maintenant c'est l'écriture. Toujours cette envie de faire avancer les choses. Je suis loin d'être fini, je le démonte dans mes proses. Toujours en quête d'ouverture, découvrir des cultures. Je ne vois pas de race pure, des hommes la même structure. Toujours objectif, je suis pas pessimiste. Je veux changer l'effectif, car je suis réaliste. Toujours TS numéro 9, car je suis pas prêt de stopper. Si dans ce monde tout allait bien, je n'aurais plus de raison de rapper.